Dimanche 21h Radioactive, Lost in Space comme tous les dimanches. Nous sommes de retour avec une émission une nouvelle fois un peu électro, quoique un poil plus dure, on va dire, que celle de la semaine dernière. Vous allez retrouver des gens qui sont aux confins de l'électronique, body music, de la musique industrielle. Enfin bref, c'est parti pour deux bonnes heures de mix, et vous retrouverez comme d'habitude sur la page un peu plus tard dans cette semaine les morceaux que nous avons passés ce soir. Donc un peu de patience, et pour vous donner un avant-goût, on va attaquer avec Clock, DVA, puis David Lynch. À tout à l'heure. Thank you. She ripped her shirt off completely. It was really fun. It was real fun. Les conséquences seraient épouvantables. Je vous le dis, nous aboutirions inexorablement, sous sa mandature, à une guerre civile. I'm so glad I can hear your sobs. I really don't want to. wanna see you go wild. O-V-A-R-I-E-N-S. Bon, pourtant, c'est bien éclairé. Face. See yourself walking on that face. glaïeul d'armes blanches sous les tonnelles de givre from Opaque City, town sonore. À centre d'hypophyse, grignoté bêta-morphine, écueil, conscience grandissant de lampe. Machine a writer in the long song of death, crystal birth, movies of sadness, nothing. And je crame tes allaitements maillotés de bénédictions frightened. Bruit de sommeil à franges testicules ouverts dans les champs marnés de ces glaïeuls magnifiés. Force loup de velours. I can't see the depth of your velvet underground, dit-il. À l'hostidèle, vibra-t-il de lèvres, rougi de bleuets fermetures in the light du présage déliante. Nothing. Disjonctant de courant, j'approchais d'approche in approach du seuil death. Mentionnosais les blancs curtains, ferraille de machine à writers, tapotant les cils de cerveau emmailloté, de gel feelings in the bloody lines de notre train. Muraillait-elle des plaintes de heurts. it white and sticky? Or was it white and sticky? Well, I don't know what it was. No, I don't know what it was. Something came over me. Something came over me. And I don't know what it was. No, I don't know what it was. But I rather like it. Yes, I rather like it. So I'm doing it again. Costumes aussi, avec des objets parfois. C'était de la danse théâtre, danse contact, quelque chose de très physique, de très qui passait par, beaucoup par le porté, enfin, et par un travail sur aussi une recherche chorégraphique personnelle, mise en commun ensuite pour une chorégraphie globale. C'était la compagnie Reliance, qui n'existe plus. Hein, c'était une compagnie. La chorégraphe est décédée maintenant. It's taken 5 years to repair, and it's bound to have an enormous impact on the future of industrial relations in this country. In the studio tonight, Lord Portman, chairman of the committee, Sir Charles Avery, Employers' Reorganisation Council, and Ray Millichope, leader of the Allied Technicians Union. And they're going to make a human pyramid. Bravo. Now the president of the Board of Trade. Death. Sounds. All entertaining type of part. À 60 ans, je n'avais jamais marché et j'étais très déprimé. Je suis parti comme une fuite vers Compostelle, alors que je suis agnostique. C'est, on a une richesse juste à observer, il suffit juste de s'asseoir, de regarder, autant en profiter, de prendre. C'est vrai que bon, c'est pas donné à tout le monde de voyager, mais bon, quand on veut vraiment, on peut toujours aller, il y a des paysages magnifiques partout. Il faut y aller quoi, il faut juste regarder. Vous êtes toujours sur Radioactive, Lost in Space, dans une session électro un peu dure. On a écouté un instant Mayhem et puis ensuite Deform avec ce morceau Horsecock Penetration. Je ne vous la traduirai pas, je n'ai pas envie d'avoir d'ennui avec la censure. Et on continue avec les Elysian Fields. Give it a try. I know you won't be sorry. l'instant, l'un des groupes français qui ont, de chez Born Bad, qui ont fait le plus parler d'eux l'année dernière, donc les Crash Normal. Et on enchaîne avec l'un des groupes fondateurs de ce bruit électronique. Je vais parler de Alan Vega et de son groupe Suicide, que l'on retrouve ici sur le morceau Nighttime, enregistré à Paris au Palace en 1989. Well, it's because I've killed you if you step on my blue sweats. Well, it's cold. Morty gets me in more trouble than Jimmy H. Thank you. we have too many intellectuals here. Now you guys, no, up there. I think the ghost of Jean Cocteau is up there. Or Marcel Duchamp. Huh? Une tête de camé. Micropoint à l'instant avec leur morceau La Défonce, c'est la mode. Et on enchaîne avec Hot Beep et leur morceau Science. Got a good beginning. Hit and miss and trial and error. It just depends again on breaking the records over radio. Rock music blares! Door slam! People yell! Children scream! Sirens whine! Trucks rumble and roar, and rock music blares, blares, blares, blares. Is there any escape from noise? Is there any escape from noise? Negative Land à l'instant avec Escape from Noise, puis nous allons écouter Descents avec Oh Lord. Thank you. Nam Nam Boulou avec ce morceau de Zeit, enchaîné avec les Nocturnal Emissions et leur Fat Slimy Parasites. temps d'écouter à l'instant K2 et Magnétorgie, et ça va bientôt être la fin de cette émission, le moment de se quitter. Je vais vous laisser avec Hadouken et ce morceau Play the Night. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, continuez bien sur les programmes de Radioactive. Nous nous retrouvons, nous, demain avec mes collègues pour les Écopop à 19h30, le lundi, après une dure journée de travail. Et quant à moi, vous retrouverez comme tous les dimanches à 21h, dimanche prochain. D'ici là, passez du bon temps, ne vous tuez pas la tâche et à bientôt. Ciao. Don't stop, yeah, we're gonna spike that. You're gonna play the night.